Chapitre 7e. En disant à Madame Denise qu'il n'était point inquiet des sentiments que Marthe lui témoignait, saint Ostrobert n'avait pas dit la vérité. Il en était au contraire très inquiet, très tourmenté, car il déroutait entièrement ses prévisions. Lorsqu'il s'était arrêté à l'idée de devenir le mari de Marthe, il avait cru que les difficultés qu'il pourrait rencontrer se trouveraient surtout chez M. Denis. Il était tout naturel de penser en effet que le riche négociant serait peu disposé à donner à sa fille, et en fin de compte sa fortune, un homme qui n'avait rien. C'était en prévision de ces difficultés qu'il avait manœuvré pendant les premiers temps de son séjour à Bordeaux, et c'était pour les neutraliser qu'il avait si laborieusement acquis les concours de Mériol tout d'abord, celui de Madame Denis ensuite, et enfin qu'il avait mis en jeu toutes les intrigues politiques et gouvernementales dont il pouvait disposer. Ses efforts avaient réussi mieux qu'on ne pouvait l'espérer. Mériol, Madame Denis, M. Denis avaient été successivement gagnés. Il n'en restait plus que Marthe, mais elle résistait de telle sorte que par elle seule, le succès définitif se trouvait sérieusement compromis. Tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent n'était rien. Dans son plan, il n'avait point calculé sur cette résistance. Ce n'était qu'une petite fille, il n'aurait qu'à paraître pour vaincre. Avec quelques paroles aimables et des yeux doux, il triompherait. Lorsqu'il avait appris l'amour de Marthe pour Philippe, il avait senti que les choses ne se passeraient point aussi simplement qu'il l'avait tout d'abord imaginé. Mais il n'avait point été sérieusement effrayé. Il faudrait plus de paroles, les yeux, au lieu d'être doux, devraient être passionnés, et voilà tout. Il lui avait paru qu'entre Philippe et Rem, qui n'avait ni élégance ni relation, et lui, la lutte ne devait être ni longue ni douteuse. Marthe était comme toutes les jeunes filles, elle serait séduite par le prestige de la vie parisienne. Que pouvait offrir l'ingénieur qui fut l'équivalent d'une position à la cour? Mais bientôt il avait fallu en rabattre de cette superbe assurance. La jeune fille n'était point une poupée qui tournait à tous les vents. Elle avait un caractère et une volonté. Comment la réduire et même comment l'attaquer? Il ne savait quel air jouer pour la toucher. Fallait-il essayer de la douceur? La frayeur ne valait-elle pas mieux, au contraire? Il n'avait aucune idée à ce sujet. Et au hasard, il allait d'une expérience à l'autre. Il avait essayé de l'intimidation, il était revenu au sentiment. Il avait parlé d'amour, il avait risqué des variations sur la vertu. C'était à en perdre la tête. Cette petite fille, avec son calme et sa froideur, le déroutait. Devant elle, il se sentait gauche et embarrassé. Quelle langue lui parler? Il se croyait également fort sur tous les instruments, mais encore, fallait-il savoir lequel choisir? Et rien ne venait le guider. Tout ce qu'il avait essayé jusqu'à présent semblait ne produire aucun effet. Elle le regardait, et au fond de ses yeux naïfs, on voyait comme un sentiment d'assurance et de confiance qui était exaspérant. Les visites qu'il faisait à Châteaupignon étaient pour lui un véritable supplice. Lui qui avait fait trembler tant d'hommes et tant de femmes tremblait presque devant cet enfant. Et cependant, il savait son secret. Elle était entre ses mains. Il pouvait la déshonorer et la perdre, et il avait peur d'elle, tandis qu'elle semblait se moquer de lui. En voyant revenir R.M. d'Espagne, il avait cru qu'elle voulait le lui opposer, et il avait habilement joué la scène du tir pour l'intimider. Mais précisément, R.M. était parti le lendemain, il était resté seul, comme pour le défier. Quelle scène jouer maintenant? Il n'avait plus qu'une ressource, qui était de faire agir Madame Denis sous le coup d'une menace directe et précise. Mais avant d'en venir là, il fallait réfléchir. Car c'était jouer le tout pour le tout. Jusqu'à présent, Madame Denis avait docilement obéi à ses suggestions, mais jusqu'à présent, il n'avait demandé que le possible. S'il exigeait l'impossible, qu'obtiendrait-il? En supposant que Madame Denis céda à une menace nettement formulée, que pourrait-elle sur Marthe? Arriverait-elle à emporter le consentement de M. Denis, malgré le refus de Marthe? La chose était douteuse. En tout cas, elle était dangereuse à tenter, et avant de la risquer, il fallait essayer tous les autres moyens. Mais lesquels? Il revint fort embarrassé à Bordeaux, et comme toujours, lorsqu'il était sous l'obsession d'une difficulté, il s'en expliqua avec M. de Chalus. Les discussions suggèrent souvent des idées qu'on ne trouve pas dans le calme de la réflexion. « Croiriez-vous, dit-il, que je me trouve arrêté net par cette petite peste de Marthe? Rien ne la touche. Le père, la mère sont décidés au mariage. Elle seule me fait une résistance invincible. » Invincible, une femme. Non, une jeune fille. Ce n'est pas du tout la même chose. Pourquoi ne la séduisez-vous pas? Précisément, parce qu'elle est une jeune fille. Ah, si c'était une femme, et que je voulusse être son amant au lieu d'être son mari. Plus je vais, plus je suis convaincu qu'on ne réussit pas ce qui est tout bêtement honnête. Ou bien il faut être bête et honnête soi-même. Alors c'est payer trop cher le succès. Si nous étions à Paris, au lieu d'être à Bordeaux, je ne désespérerais pas, tandis qu'ici, je suis positivement à bout de ressources. Et qu'il manque à Bordeaux que vous auriez à Paris des femmes. Si j'avais une femme sur laquelle il me fut possible d'exercer une pression, comme j'en ai à Paris, Marthe serait à moi. Et comment cela, cher ami? Instruisez-moi, je vous prie, car vous êtes véritablement très instructif, et avec vous, on profite toujours. Depuis que vous êtes ici, positivement, je me forme. Pour avoir une femme, le meilleur moyen, n'est-ce pas, c'est de rester en tête-à-tête avec elle. Ce qui revient à dire que pour vous, c'est une affaire d'occasion. À peu près. Au contraire, avec une jeune fille, ce n'est pas un tête-à-tête qu'il faut, c'est un tiers. C'est une grande erreur de croire qu'une jeune fille honnête, et je donne à ce mot toute son étendue, se laisse séduire lorsqu'elle est seule avec un homme. Loin de là, elle se tient sur ses gardes, et il est à peu près impossible de la surprendre. Tandis qu'on a de grandes chances pour triompher de sa résistance si on a pu la faire préparer par une amie intelligente. C'est cette amie qui me manque à Bordeaux et que j'aurai à Paris. À Paris, j'aurais su introduire cette amie dans la famille de Nice, et Marthe maintenant n'aurait plus qu'à m'épouser. Parfait, parfait. Et non, ce n'est pas parfait, car ce n'est que de la théorie. Et dans la pratique, je crains bien qu'elle n'épouse cet ingénieur du diable. Que voulez-vous que je fasse contre l'inertie d'une jeune fille? Le père me dit, vous n'avez qu'à lui plaire, et elle est à vous. La fille ne veut pas que je lui plaise. La situation peut ainsi se prolonger indéfiniment. Pour le moment, elle traîne en longueur, et je commence à trouver qu'elle manque d'intérêt. Nous tournons dans un cercle, et il faut en sortir. C'est évident. Et si je ne peux vous en fournir les moyens, je veux au moins vous rassurer quant à Philippe RM. Je ne crois pas que M. Denis lui donne jamais sa fille. Qu'en savez-vous? C'est une conviction qui s'est formée en moi à la suite de plusieurs conversations avec M. Denis. Jamais il n'acceptera pour gendre un homme qui n'a pas une haute position. Chez lui, c'est affaire de principe, de religion, pour ainsi dire, et RM n'a pas cette position. Et s'il hérite de son oncle? Sans doute, cela pourrait changer le sentiment de M. Denis, mais il faut que l'oncle meure. Il faut qu'il laisse sa fortune à son neveu. Cela fait bien des si, et RM a tellement conscience du peu de chances qu'il a de réussir qu'il ne s'est pas prononcé, même depuis que votre mariage le menace. Pour vous, c'est, il me semble, un motif de vous rassurer. Saint Austrebert resta un moment sans répondre, réfléchissant profondément. Enfin, au bout de 5 minutes au moins, il releva la tête. « Ce que vous me dites, cher ami, m'inspire une idée qui peut, je l'espère, trancher la question. Et laquelle ? Elle est encore tellement indécise que je vous demande à la garder pour moi. Elle a besoin d'être couvée. » Et amené à point, car je ne suis pas l'homme de l'improvisation. Aussitôt que je verrai clair dans ma propre tête, je vous expliquerai ce que je vois, et vous demanderai conseil. Vous savez que je n'insiste jamais. Je crois que j'aurais fait un bon confident de tragédie. On m'appelle, je viens. On ne me dit rien, je m'en retourne sans demander pourquoi on m'appelait. Seulement, il est entendu que le jour où vous avez besoin de mon intervention, on est certain de me trouver prêt à agir activement. Amitié à part, je vous assure que votre mariage m'intéresse. C'est quelque chose comme une comédie dont je serai spectateur. À chaque difficulté qui se présente, je me dis « Comment Saint Austrebert va-t-il s'en tirer ?» D'un côté l'innocence, de l'autre l'habileté. Elles sont aux prises. Qui va triompher? C'est fort curieux, je vous assure. Nous voici au troisième acte. Le père est gagné, mais l'héroïne résiste. Comment allez-vous jouer votre quatrième acte? Je ne vois pas ça. La pièce n'est pas finie, et je ne lui trouve pas de fin. Ce qui surexcite encore mon intérêt, c'est que j'ai grande confiance en vous. Ce cher Saint Austrebert est bien fin. Il va inventer des ressources et mettre en jeu des ressorts que moi, naïf, je ne prévois pas. C'est charmant. Ce que j'invente pour le moment, c'est votre intervention. Et que dois-je faire? Tracez-moi mon rôle, car je n'en ai pas la moindre idée. Votre rôle, non, car il faut que vous trouviez en vous ce que vous devez faire. Seulement, je peux vous dire ce dont j'ai besoin. Et de quoi avez-vous besoin? Il faut que M. Denis soit engagé envers nous, c'est-à-dire envers le gouvernement, de manière à ne pas pouvoir se dégager. En un mot, il faut que, quoi que je risque avec lui, il se trouve si bien lié à nous qu'il ne puisse pas se détacher. Et je vous préviens que ce que je veux risquer est assez grave, pour lui imprimer une secousse telle que les liens les plus solides peuvent se rompre. Vous me faites peur. Cependant, je ne recule pas. Jusqu'à présent, il est entendu que M. Denis est mon candidat. Mais cela n'est point officiellement connu. J'ai rencontré en lui des résistances, des pudeurs de jeunes filles. Il veut être nommé, il brûle de l'être. Seulement, il voudrait que son élection se fît sans que la main administrative se montrât dedans. Croiriez-vous qu'il a refusé en tir un journaliste que j'avais fait venir exprès de Paris pour lui, et un bon encore, un des meilleurs pour injurier un adversaire. Il m'a dit qu'il voulait n'être soutenu que d'une façon honnête et avec des procédés courtois. Il faut donc maintenant que je le compromette de telle sorte qu'il soit évident qu'il est non seulement pour nous un candidat agréable, mais encore un candidat officiel. C'est cela même, et il faut surtout qu'il soit bien connu que le gouvernement lui accorde sa protection, parce que j'épouse Mademoiselle Denis. Cela a déjà été répandu, mais dans quelques jours sera universellement accepté. Je vous demande 3 jours. Samedi matin, M. Denis sera si bien accablé sous les faveurs de l'administration qu'il ne pourra pas s'en débarrasser quoi qu'il veuille. À mon tour, je vais donc entrer en scène. Je commençais à m'ennuyer de ne pas jouer. À samedi.